Chapitre 13e. Un mystère impénétrable. Le docteur Cavaroux et Pedro Diaz, après avoir quitté le sentier qui aboutissait à une fissure de la montagne, s'engagèrent dans cette fissure, ainsi que l'avaient fait Carmela et Maresco 2 jours auparavant, et ils parvinrent en peu de temps au sommet de la roche noire. Guidé par son instinct de chercheur de pistes, le Texien, arrivé là, se dirigea en droite ligne vers le point du plateau qui dominait le campement. Là, il se livra à un examen minutieux, étudiant chaque brin d'herbe, chaque grain de sable. Ainsi, il remarqua que l'herbe courte avait été froissée au bord du précipice, comme si les corps humains s'y étaient reposés. Un chêne vert, qui surplombait la muraille lisse du rocher noir, attira surtout son attention. « Par ici, docteur » cria-t-il, lorsqu'il eut fait cette importante découverte. L'illustre savant accourut. « Regardez ceci, » dit Pedro, en lui montrant une légère éraillure. « Quelle conclusion tirez-vous de là ?» demanda Cavaroux. « Cette déchirure de l'écorce me prouve clair comme le jour qu'une corde a été attachée à cet arbre et que cette corde a supporté un poids assez pesant. » « En effet, » dit le docteur, « et puis après, ma vision d'un homme enlevé dans les airs se trouva donc expliquée. Ceci est une autre affaire, jusqu'à preuve palpable. « Continuons nos recherches, » interrompit le Texien, « et peut-être finirons-nous par avoir cette preuve. » L'un s'enfonce à droite, l'autre à gauche, dans les broussailles. « Quelque chose qui brille à terre !» dit tout à coup Cavaroux. Pedro Diaz le rejoignit aussitôt. Cavaroux venait de ramasser un petit objet en métal. C'était un bouton en bronze représentant divers attributs de chasse. « Le duc Jean, » fit le Texien en pâlissant, « avait de semblables boutons. »« Son frère Don José en avait également de pareils, » repartit le docteur. Il devenait donc évident que l'un des deux frères était venu ou avait été amené sur la montagne, mais lequel ? La répartie du docteur Cavaroux déconcerta un moment Pedro Diaz. « Impossible de résoudre la question, » dit-il avec découragement. « Nous saurons bientôt à quoi nous en tenir, » répondit Cavaroux. « Si Don José revient à l'hacienda, il est certain que c'est le duc Jean qui était victime d'un guet-apens. Si au contraire, José ne reparaît point, c'est lui qu'on aura pris et peut-être assassiné. Dans tous les cas, les péones qui ont servi d'escorte à leur jeune maître seront de retour à San Antonio sous une douzaine de jours, et ils diront si leur voyage s'est heureusement terminé. « 12 jours d'angoisse, » reprit le Texien, « c'est bien long. Que voulez-vous, mon brave? Ni vous ni moi ne pouvons donner des ailes autant. Donc il faut vous résigner et prendre patience. C'est vrai, mais ces 12 mortels jours me sembleront une éternité. À 2, ils passeront plus vite, mon ami. Comment cela, docteur? Je ne comprends pas. » Les quelques jours que j'ai passés auprès du duc Jean m'ont suffi pour le connaître et l'aimer, répondit Cavaroux, et je ne quitterai pas San Antonio sans être fixé sur son sort. Pedro Diaz, pour toute réponse, pressa aussi énergiquement que sa blessure le lui permettait la main du docteur. Dans l'après-midi du même jour, ils reprenaient tous les deux le chemin de l'hacienda du Rio Verde, l'un à pied, l'autre monté sur le petit cheval gris pommelé. Il va sans dire que ce n'était pas le propriétaire du cheval qui se prélossait dessus, mais le brave Texien. 3 jours après leur départ de la Roche Noire, Cavaroux et Pedro, dont la blessure commençait à se cicatriser, faisaient leur entrée dans l'hacienda. Personne n'avait revu José, et Pedro Diaz sentit son cœur renaître à l'espérance.